c'est là-bas toujours qu'il me faut revenir, goûter à faire un tour où vivent les souvenirs. Le jardin Fürstenberg où j'aimais chaque saison les toits rouges des maisons. Amalastrana, nous avions rendez-vous. La rue Nerudova se rappelle de nous. Le combat des géants de la place Radchensky me touche plus qu'avant. Car je l'aime. Cette ville, moi sans elle, impossible. Demande aux trois grâces de l'hôtel Europa si elles savent la trace que dessinent tes pas. Cherche dans la vieille ville, monte comme avant au plus haut du Rachi. Je sais t'avoir perdu, et j'insiste et je guette à chaque coin de rue sur la place de Lorette. Au creux du nouveau monde, je renonce pourtant et gagne la rue d'argent. Car je l'aime. Cette ville.